Chapitre 3. J'ai chargé nos deux meilleures sentinelles d'étudier l'autre monde. L'acquisition de connaissances sur nos origines constitue l'un des objectifs de cette enquête. Déterminer si cet autre monde représente un danger pour Gwendalavir en est un autre. Silafian, allocution lors d'un conseil d'Empire. Voilà, tu sais tout, ou presque. Camille s'étira et s'adossa au lit de Mathieu. Ils avaient parlé des heures, se racontant ce qu'ils avaient vécu, se découvrant l'un l'autre, d'abord avec prudence, puis très vite, avec une étonnante complicité. En entrant, ils s'étaient assis sur le tapis au milieu de la chambre. Camille s'était rapidement avouée qu'elle avait mal jugé son frère. Elle le lui avait confessé. J'étais persuadée que tu étais un égoïste prétentieux. Mathieu avait souri, un peu gêné. C'est une part de moi-même qui existe certainement. À ma décharge, j'étais mort d'inquiétude pour mes examens et complètement crevée. Piètres excuses, d'accord. Elles peuvent toutefois t'aider à comprendre un peu mieux ma réaction. Ils avaient ensuite évoqué leur passé. Comme Camille, Mathieu n'avait aucun souvenir de la période qui précédait son arrivée dans ce monde. Mais, au contraire de sa sœur, il avait noué des liens affectifs très forts avec sa famille adoptive. Les boulangers avaient été des parents modèles et lui avaient offert tout l'amour qu'ils auraient donné à un enfant de leur sang. Ils avaient également abordé le domaine intime de leurs pensées secrètes, chacun confiant à l'autre toutes ces choses si personnelles qu'on les partage rarement. Camille avait parlé de la mort qui s'était entrouverte pour elle. Mathieu avait bu chacune de ses paroles. Elle avait ébauché un portrait de Salim et il avait deviné, au travers de ses mots, combien il comptait pour elle. Mathieu, lui, avait raconté sa passion pour la peinture, sa quête désespérée de la perfection, ses aventures amoureuses et ses déceptions lorsqu'elles s'achevaient. Chaque déconvenue emportait un morceau de ses illusions, mais, inlassable, il continuait à chercher celle qui serait son parfait complément. Il avait avoué à Camille que, comme elle, il se sentait souvent en marge de la réalité. Ils avaient esquissé un futur possible dans un ailleurs qu'il était désormais décidé à explorer. « Bon sang !» laissa échapper Camille. « Que je suis heureuse de t'avoir trouvée !» Mathieu lui sourit. Cette jeune sœur qui arrivait comme un miracle était en train de transformer sa vie. Un coup discret frappé à la porte lui fit tourner la tête. « Entre !» Madame Boulanger se faufila dans la chambre. Elle avait passé un peignoir en éponge sur sa chemise de nuit, et un très soucieux barrait son front. Camille prit soudain conscience qu'il était presque 3 heures du matin. La mère adoptive de Mathieu avait toutes les raisons de s'étonner qu'elle soit encore là. Elle voulut s'excuser, mais n'en eut pas le temps. « Il est tard, Mathieu !» constata Madame Boulanger. « Si tu veux que ta sœur dorme ici, tu n'as qu'à prendre le matelas dans le placard et l'installer à côté de ton lit. » Il comprit une seconde avant Camille. « Qu'est-ce que... Comment sais-tu ? » balbutia-t-il. Elle eut un geste fataliste. « Comment je sais que cette jeune fille est ta sœur ? Un aveugle s'en apercevrait. Vous avez les mêmes yeux violets, le même sourire, le même timbre de voix. Tout en vous clame qu'un même sang coule dans vos veines. Mais ce n'est pas tout. Je sais depuis longtemps que ce jour devait arriver. » Bien avant ta première visite, jeune fille. Quel dommage que ton père ne soit pas là en ce moment, Mathieu. Il aura du chagrin de ne pas t'avoir dit au revoir. Que racontes-tu ? Murmura Mathieu. Madame Boulanger lui effleura la joue du bout des doigts et se tourna vers Camille. Tu es Willan, n'est-ce pas ? Et tu viens le chercher pour le ramener là-bas, dans cet autre monde.